XVG, a lore gene dog a coined arc, a commence sans ico u premine. Les devil appears Ontario a cheat pieces diverges comme tout le monde. Verge est actuellement dans la top 30 cryptocurrencies dans le monde entier. Say coté sur de nombreux grands échanges, y compris Binance et Bittrex. Verge a quelques plans futures qui pourraient and render le projet la plus convaincant comme une solution complete de confident highlight. Get live statistics sur la Verge Exchange Vitesse et live pre-XVG lay de taus nos Verge Exchange Vitesse API. In cowers Verge nous allons vous éduquer sur les essentials de Verge et present vous aux entrepreneurs qui Ontario eat finances par tens de millions d'euros.